quand tu seras dans la lumière, quand t'entendras les histoires et quelques concerts, dis qu'est-ce qu'on fera. À toi qui mène mon cœur, quand ce putain de monde m'écœure. À toi qui fais rêver ces heures, oh, toutes ces heures où moi je me sentais meilleur. À toutes ces heures qui font que moi j'aimais croire au bonheur. Pour ça, est-ce que j'arrive pas à t'expliquer ici? Je voudrais te dire merci, Lucie. J'espère que je resterai le plus loin des regrets. Je serai triste, c'est clair. Mais putain, qu'est-ce que je serai fier quand tu l'auras enfin, ton putain de concert. Dis qu'est-ce qu'on fera. On aura des peines, des joies et des galères à se serrer les manches quand il faudra le faire. Motus et bouche cousue, personne ne saura que les anges se sont invités en toi. Motus et bouche couverte, et tes cheveux emmêlés sur tes yeux, certes. J'espère que je resterai quelque part dans un petit coin de ta mémoire, que tu penseras un peu à moi quand d'hiver en hiver il fera trop froid, que tu penseras à ce pauvre fou qui croyait bien faire mais qui sans confiance en lui ne sait rien faire. Moi je sais ce que je ferai quand tu seras sans un mot trop discret. Moi je te remercierai. Et disent qu'on sera deux quand les loups seront en cercle. Et disent qu'on rêvera encore à deux des Indiens. Et disent que je te gaffe quand j'appuie en silence mes rêves de cosse. Et dis à 19 ans qu'est-ce que ça fait de ronger la vie jusqu'à l'os. Rien à foutre des vautours et des corbeaux. On s'en ira deux, les guitares sur le dos. Et le désert n'est pas si loin, on le traversera main dans la main. Moi j'ai coupé mon âme en deux parce que j'ai cru voir dans tes yeux que la tienne demandait un peu. Juste qu'on la soutienne, juste qu'on se souvienne. Regarde, mon époux a rêvé des pâquerettes. Et là-haut, les anges qui font la tête. Moi j'en connais qu'un et qu'une en fait. Elle est devant moi, elle est elle. Elle est devant moi, elle et elle. Et c'est juste toi. Et c'est juste toi.